Eh bien, Sylvia, vous ne nous regardez point. Vous avez l'air tout embarrassé. Moi, mon père? Et où sera le motif de mon embarras? Je suis gracieuse quelque comme à mon ordinaire. Je suis fâchée de vous dire que c'est une idée. Il y a quelque chose, ma sœur, il y a quelque chose. Quelque chose dans votre tête. À la bonne heure, mon frère. Mais dans la mienne, il n'y a que l'étonnement de ce que vous dites. C'est donc ce garçon qui vient de sortir qui t'inspire cette extrême antipathie que tu as pour son maître? Qui? Le domestique de Dorante? Oui, le galant bourguignon. Le galant bourguignon, dont je ne savais pas l'épithète, ne me parle pas de lui. Cependant, on prétend que c'est lui qui le détruit auprès de toi, et c'est sur quoi j'étais bien aise de te parler. Ce n'était pas la peine, mon père. Personne au monde que son maître ne m'a donné l'aversion naturelle que j'ai pour lui. Ma foi, ma sœur, tu as beau dire, elle est trop forte pour être naturelle. Et quelqu'un y a aidé. Avec quel air mystérieux vous me dites cela, mon frère? Et quel est ce quelqu'un qui y a aidé? Voyons. Dans quelle humeur es-tu, ma sœur, comme tu t'emportes? C'est que je suis bien lasse de mon personnage. Je me serais déjà démasquée si je n'avais pas craint de fâcher mon père. Gardez-vous-en bien, ma fille. Je viens ici pour vous le recommander. Puisque j'ai eu la complaisance de vous permettre votre déguisement, il faut, s'il vous plaît, que vous ayez celle de suspendre votre jugement sur Dorante et de voir si l'aversion qu'on vous a donnée pour lui est légitime. Vous ne m'écoutez donc point, mon père? Je vous dis qu'on ne me l'a point donnée. Quoi, ce babillard qui vient de sortir ne t'a pas un peu dégoûté de lui? Que vos discours sont désobligeants. M'a dégoûté de lui. Dégoûté. J'essuie des expressions bien étranges. Je n'entends que des choses inouïes. Quel langage inconcevable. J'ai l'air embarrassé. Il y a quelque chose. Et puis c'est le galant bourguignon qui m'a dégoûté. C'est tout ce qu'il vous plaira, mais je n'y entends rien. Pour le coup, c'est toi qui es étrange. À qui en as-tu donc? D'où vient que tu es si fort sur le qui-vive? Dans quelle idée nous soupçonnes-tu? Courage, mon frère. Par quelle fatalité ne pouvez-vous me dire aujourd'hui un mot qui me choque? Quel soupçon voulez-vous qu'il me vienne? Avez-vous des visions? Il est vrai que tu es si agité que je ne te reconnais point non plus. Ce sont apparemment ces mouvements-là qui sont cause que Lisette nous a parlé comme elle a fait. Elle accusait ce valet de ne t'avoir pas entretenu à l'avantage de son maître. Et madame, nous a-t-elle dit, l'a défendu contre moi avec tant de colère que j'en suis encore toute surprise. C'est sur ce mot de surprise que nous l'avons querellé. Mais ces gens-là ne savent pas la conséquence d'un mot. Impertinente! Y a-t-il rien de plus haïssable que cette fille-là? J'avoue que je me suis fâchée par un esprit de justice pour ce garçon. Je ne vois point de mal à cela. Y a-t-il rien de plus simple? Quoi? Parce que je suis équitable, que je veux qu'on ne nuise à personne, que je veux sauver un domestique du tort qu'on peut lui faire auprès de son maître, on dit que j'ai des emportements, des fureurs dont on est surprise. Un moment après, un mauvais esprit raisonne, il faut se fâcher, il faut la faire taire et prendre mon parti contre elle à cause de la conséquence de ce qu'elle dit. Mon parti? J'ai besoin qu'on me défende, qu'on me justifie. On peut donc mal interpréter ce que je fais, mais que fais-je? De quoi m'accuse-t-on? Instruisez-moi, je vous en conjure, soyez sérieux. Me joue-t-on, se moque-t-on de moi? Je ne suis pas tranquille. Doucement, donc. Non, monsieur, il n'y a point de douceur. Qui tienne comme nom des surprises, des conséquences, et qu'on s'explique. Que veut-on dire? On accuse ce valet, on a tort. Vous vous trompez tous. Il est innocent, Lisette est une folle, et voilà qui est fini. Pourquoi donc m'en parler encore? Je suis outrée. Ah, tu te retiens, ma fille. Tu aurais grande envie de me quereller aussi. Mais faisons mieux. Il n'y a que ce valet qui soit suspect ici. Dorante n'a qu'à le chasser. Quel malheureux déguisement, surtout que Lisette ne m'approche pas, je la hais plus que Dorante. Tu la verras si tu veux. Mais tu dois être charmé que ce garçon s'en aille, car il t'aime. Et cela t'importune, assurément. Je n'ai point à m'en plaindre. Il me prend pour une suivante et il me parle sur ce ton-là, mais il ne me dit pas ce qu'il veut. J'y mets bon ordre. Tu n'en es pas tant la maîtresse que tu le dis bien. Ne l'avons-nous pas vu se mettre à genoux malgré toi? N'as-tu pas été obligé pour le faire lever de lui dire qu'il ne te déplaisait pas? J'étouffe. Et encore a-t-il fallu, quand il t'a demandé si tu l'aimerais, que tu aies tendrement ajouté: oh, volontiers. Sans quoi, il y serait encore. Ça, il y serait encore. L'heureuse apostille, mon frère, mais comme l'action m'a déplu, la répétition n'en est pas aimable. Non, ça, parlons sérieusement. Quand finira la comédie que vous vous donnez sur mon compte? La seule chose que j'exige de toi, ma fille, c'est de ne te déterminer à le refuser qu'avec connaissance de cause. Attends encore. Tu me remercieras du délai que je te demande. Je t'en réponds. Tu épouseras Dorante, et même avec inclination. Je te le prédis. Mais mon père, je vous demande grâce pour le valet. Pourquoi grâce? Moi, je veux qu'il sorte. Son maître en décidera. Allez, allons-nous-en. Adieu. Adieu, ma sœur. Et sans rancune.